Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Paru en 1748, Mémoire sur la ville souterraine découverte au pied du Vésuve est un document rare au format inocto, depuis fort longtemps tombé dans l'oubli. Ce texte qui fait ressurgir un monde disparu depuis des siècles est pourtant le premier document de langue française retraçant la découverte de la ville d'Herculanum enfouie sous les cendres du Vésuve. Il sera aujourd'hui notre point de départ puisqu'il est aussi la toute première source consacrée à l'archéologie des catastrophes. Éruption, tsunami, tremblement de terre de la minute au millénaire, comment de si brefs événements peuvent-ils s'inscrire à tout jamais dans le paysage des hommes ? Pour évoquer cette archéologie du cataclysme de l'apocalypse, quoi de mieux que le récent drame de Fukushima, avec deux invités, Jean-Paul Demoule, Nathan Schlanger. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ancien président de l'INRAP et en duplex de France Bleu Nîmes, Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur à l'Université de Paris 1 et à l'Institut universitaire de France. En tant qu'archéologue, vous nous raconterez votre visite dans la zone irradiée de Fukushima. Archéologue et historien de l'archéologie, Nathan Schlanger, vous êtes professeur à l'École nationale des chartes. Vous signez un article sur ce sujet dans la grande revue britannique Antiquity. Nous voici le 11 mars 2011, 13h55. Depuis 5 années, l'horloge de la Marine House de Futuba marque inlassablement 7 heures. Jean-Paul Demoule ? Oui, il y a d'abord eu, c'est l'heure du séisme qui était particulièrement violent, pratiquement 9 dans l'échelle de Richter, un des plus violents du dernier millénaire. Et puis une heure après est arrivée l'immense vague de 20 mètres de haut. Et c'est aussi l'école un peu plus haut a également cette même heure fixée. Vous avez vu ces pendules ? Oui, bien sûr, on est allé avec un groupe de collègues japonais et le principal spécialiste du néolithique japonais, Laurent Nespoulous, principal français, qui co-signait aussi cet article d'Antiquity. On avait évidemment des combinaisons et notre temps de visite était limité à 3-4 heures et après on a été recontrôlé, enfin décontaminé à la sortie de la zone rouge qui fait à peu près 20 km de diamètre. Nathan Schlanger, 13h55, il y a un avant, il y a un après ? Il y a tout à fait un avant et un après, puisque nous sommes maintenant dans l'an 5 après Fukushima, dans la nouvelle ère de l'Anthropocène. Quelque chose s'est passé il y a 5 ans qui fait que le futur a l'air différent depuis. L'Anthropocène, une nouvelle ère ? L'Anthropocène a été vendu, entre guillemets, comme une nouvelle ère géologique après l'Holocène. Ça va se débattre parce qu'il y a toutes sortes de motivations scientifiques, politiques, environnementales autour. Mais il est clair que la vision que l'on a maintenant depuis Fukushima est une vision vers le futur. L'Anthropocène, c'est l'homme qui intervient sur le climat, c'est bien ça ? C'est l'homme qui intervient sur le climat. Donc l'intervention humaine, elle date depuis toujours. Les grands feux de forêt, la déforestation, l'aridification de certaines zones en Europe et ailleurs, c'est un phénomène qui est tout à fait connu. Ce qui va changer, donc avec la révolution industrielle, c'est la libération dans l'atmosphère de toutes sortes d'éléments polluants. C'est la transformation des réseaux de rivières, c'est la pollution de plus en plus importante qui va faire que des traces d'activité humaine vont s'ancrer dans le substrat géologique. Jean-Paul Demoule, ce qui va se dérouler, ce n'est pas un cataclysme, c'est une triple catastrophe naturelle et humaine. Oui, il y a donc d'abord le séisme particulièrement important. Donc, quand on se promène, si j'ose dire, dans les villes fantômes de la zone rouge, une bonne partie des maisons sont écroulées. D'autant plus que par tradition, les maisons japonaises sont relativement légères. Puis ensuite, la vague du tsunami qui rentre plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, ces terres qui sont toujours jonchées de bateaux, de débris, etc. Et puis, le séisme lui-même avait bloqué l'alimentation électrique principale et donc mis automatiquement en marche les générateurs de secours. Simplement, les générateurs de secours, ils étaient installés sur le front de mer et protégés par une digue de 4 mètres de haut, alors que la vague allait en faire 20. Ce scénario catastrophe, il avait été prévu, mais l'opérateur TEPCO, qui gère la centrale et qui est le plus gros opérateur électrique privé du monde, a trouvé que c'était trop cher, et donc la catastrophe est humaine à plusieurs niveaux, puisque l'arrêt total de l'alimentation électrique effectivement a conduit à la fusion et à l'explosion de 3 des 4 réacteurs, en grande partie de par des négligences humaines avant et aussi même pendant la gestion. Et on peut considérer que la situation n'est toujours pas sous contrôle à l'heure actuelle. La catastrophe est d'ordre mondial. Les conséquences sont ressenties jusque sur la côte ouest des États-Unis. À la fois le tsunami et puis ensuite les nuages radioactifs et une pollution qui continue, puisque pour refroidir en permanence il faut injecter de l'eau dans la centrale, mais cette eau est immédiatement contaminée, donc on la stocke indéfiniment dans des cuves qu'on fabrique au fur et à mesure et qui elles-mêmes fuient en partie vers la mer. Donc on a pu mesurer les conséquences les plus visible et les plus graves, mais elle continue de manière sourde. Ce 11 mars, comme tous les jours, les archéologues japonais étaient sur le terrain. Oui, bien sûr. Le Japon est le pays qui, par tête d'habitant, consacre le plus d'argent à l'archéologie, et en particulier à l'archéologie préventive préalable à tous les grands travaux d'aménagement. Donc ils étaient là. Donc le professeur Kikuchi, avec son équipe, était en train de fouiller, semble-t-il, un habitat, une sorte de monticule de coquilles le long d'un ancien rivage, un site de la période Jomon, une période très identitaire pour la société nippone. Oui, c'est une grande civilisation qui dure. C'est une des premières au monde à inventer la poterie dans un système économique de chasse et de cueillette vers moins 14 000, moins 13 000, et qui va durer jusque dans les derniers siècles avant notre ère. Et qui restera. C'est un contre-modèle par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient en Europe, parce qu'on invente d'abord la poterie et la sédentarité, mais que tout à la fin et à la marge l'agriculture et l'élevage. Donc c'est ce sont des sociétés qui vivent essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette, et qui exploitent en particulier les coquillages marins ou d'estuaires, d'où la constitution de ces grands amas de coquilles. C'est un modèle archéologique très intéressant, parce que nous avons affaire à des sortes de chasseurs-collecteurs, mais déjà probablement un peu sédentaires. Oui, c'est l'exemple type qui montre qu'il y a eu plusieurs trajectoires dans les sociétés humaines, puisque à condition que vous soyez dans un milieu naturel relativement favorable, et notamment en ressources aquatiques, poissons, coquillages, mammifères marins, toute l'année, qui vous oblige pas à des déplacements saisonniers, ben à chaque fois que ces conditions ont été réunies, comme le long des grands fleuves de Sibérie ou de Russie, comme le long de la côte nord-ouest des États-Unis et du Canada, on a eu des civilisations de chasseurs-cueilleurs sédentaires, éventuellement même avec poterie, éventuellement même relativement complexes dans leur organisation. Nathan Schlanger, visiblement ce site qui était en cours de fouille n'avait jamais subi de tsunami, et là encore, il n'aurait pas souffert de la vague de 20 à 30 mètres de haut. Effectivement, le site est épargné, le site de Urujiri est épargné, et le professeur Kikuchi et son équipe voient effrayés la vague de tsunami approcher. Ils apportent leur aide aux habitants de la plaine alluviale d'en bas pour se réfugier en haut. et ils ne peuvent qu'observer, impuissant à la catastrophe, avec une reconnaissance qu'effectivement les habitants de Jaumont ont su bien placer leurs occupations plus loin, éloignées et protégées des vagues de tsunami. Vous avez vu ce site, il abriterait aujourd'hui des sacs de déchets plus ou moins radioactifs ? Oui, donc le site lui-même est couvert de bâches bleues très caractéristiques qui représentent l'état de fouille, justement, ce 11 mars 2011, un site qui, pendant de très nombreuses années, ne sera pas fouillé à nouveau, hein, puisqu'il est dans une zone interdite. Et entre le site et la mer, le terrain donc, qui est perdu, qui a été lessivé par le tsunami, qui a des degrés de radioactivité inquiétantes, qui a été consacré à un stockage de ces fameux déchets de décontamination qui sont accumulés de toute la région. Et ce site d'ailleurs illustre la page internet du site du Salon Noir de France Culture. Les archéologues japonais avaient-ils déjà identifié des tsunamis dans cette zone de Fukushima, Nathan Changuin ? Oui, ben toute la région, tout le Japon a cette caractéristique d'être une partie du monde à la fois extrêmement vulnérable à toute une gamme de catastrophes, donc volcans, séismes et tsunamis, et aussi un pays extrêmement développé que l'on considère évidemment maintenant parmi les puissances mondiales en termes économiques, culturels et ainsi de suite. Et donc, paradoxalement, il y a à la fois toute une histoire, toute une chronique d'événements plus ou moins catastrophiques, donc des catastrophes naturelles qui frappent la région, qui font l'objet d'une intégration, d'une compréhension, d'une représentation de la part des civilisations et des populations sur place, qui en prennent compte et qui l'introduisent dans leur mémoire, à la fois leur mémoire écrite et leur mémoire matérielle, sous la forme donc de ce célèbre Pierre Miller ou Pierre à Tsunami, qui indique en gros jusqu'ici est arrivée la vague. Donc, prenez en compte, lorsque vous allez penser à occuper des zones côtières plus près de la mer, le risque existe et nous en avons la preuve. En 869, visiblement, un terrible tsunami aussi avait déjà frappé cette région. Les tsunamis sont très à la mode en archéologie du littoral, Jean-Paul Delmoule. Est-ce depuis cette catastrophe japonaise ? Non, ça a été en particulier autour de la question de l'explosion du volcan de l'île de Santorin, constitué aux alentours de -1500, -1600 avant notre ère, donc une des îles des Cyclades, qui était une civilisation urbaine en relation avec la civilisation crétoise, et donc il y a eu une explosion totale, et l'île qui est très touristique actuellement, en fait, ce n'est qu'un morceau du rebord du volcan, mais on peut visiter une de ces villes qui a été préservée même sur plusieurs mètres avec au moins un étage grâce aux cendres volcaniques. Donc on s'est demandé à ce moment-là, il a été question d'une fin du monde, on s'est demandé si c'était pas ça qui avait pu mettre fin à la civilisation crétoise, à la civilisation mycénienne, etc., etc. Maintenant on a tendance à relativiser beaucoup la portée de cet événement qui est toujours pas complètement daté à l'année près, à relativiser sa portée par rapport à l'évolution des sociétés minoennes et mycéniennes. Mais c'est en partie à ce moment-là qu'on a commencé. Il faut bien voir que c'est pas toujours effectivement évident. Même les tremblements de terre sont pas toujours faciles à identifier sur le plan archéologique. L'homme oublie et l'histoire se répète. Bien avant le drame de Pompéi en l'an 79, le Vésuve avait déjà enseveli des populations. Jean-Paul Demoule. Ben oui, c'est un très important, un des plus importants sites de l'âge du bronze en Europe, le site de Nola, où effectivement, aux alentours au début du second millénaire avant notre ère, cette éruption ancienne du Vésuve a complètement enseveli un village de l'âge du bronze, si bien qu'on a pu retrouver les habitations avec leurs murs en abside, et toute une série de vestiges qui fait que c'est un des sites désormais les mieux connus. Mais évidemment, l'éruption Vésuve s'est passé près de 2 millénaires après, et donc il n'y en avait aucun souvenir, même s'il y avait d'abord eu un séisme annonciateur 10 ans après la célèbre éruption. J'ai lu aussi que nos amis britanniques auraient trouvé une sorte de Pompéi anglais, britannique, quelque chose de moins spectaculaire, une sorte de coulée de boue. Oui, ça a été annoncé comme un nouveau Pompéi. Alors on pourrait croire comme ça qu'il y avait eu des volcans, mais pas du tout. C'est effectivement une crue catastrophique qui a noyé et enseveli un village de l'âge du bronze, mais uniquement sous la boue. L'avantage, c'est que ce milieu très humide a fait que à la fois les habitations, mais aussi les paniers, des embarcations, etc., ont été extrêmement préservés. C'est une fouille donc dans le sud de l'Angleterre qui a été annoncée il y a seulement quelques mois. Nathan Schlanger, peut-on faire un parallèle entre Pompéi et Fukushima ? Sous beaucoup d'aspects, oui, parce que, par exemple, le même nombre à peu près de victimes est à déplorer d'un côté comme de l'autre. Pompéi représente pour Fukushima surtout un modèle de manière d'être, en quelque sorte, d'une zone en catastrophe, puisque Pompéi était oublié donc pendant des centaines d'années, jusqu'à sa redécouverte dans les années donc 1740, son exploitation, et une contribution de plus en plus importante à la conscience historique occidentale de ce qu'est le passé, de ce que sont les vestiges, de ce qu'est la transformation d'un État urbain civilisé, vivant et dynamique, à des vestiges. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean-Paul Lemoyne, les archéologues sont-ils friands de catastrophes ? Ben oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que une catastrophe, ça va détruire. Effectivement, pour les vivants qui vivaient à ce moment-là, ça a été tout à fait dramatique. Mais en général, sauf dans le cas des tombes, ce que fouillent les archéologues, c'est des objets, des monuments en fin de vie. C'est des villes qui ont été abandonnées, c'est des villages qui ont été reconstruits les uns sur les autres, c'est des objets qui, cessant d'être utiles, ont été rejetés. Alors, une catastrophe, elle va figer complètement un moment de la vie de ces populations. Elle ne va pas le figer à la seconde, parce que même à Pompéi, une partie des habitants a réussi à s'enfuir avec ces objets les plus précieux, mais même à Pompéi, comme on le sait, on a retrouvé plusieurs dizaines de cadavres fossilisés sous les cendres. Donc tout ce qui était catastrophe, soit naturelle comme en Pompéi, soit humaine, par exemple un incendie brutal et volontaire, enfin volontaire ou accidentel, va effectivement figer la vie. Donc ce qui peut arriver de mieux à un archéologue, c'est effectivement une bonne catastrophe. Jean-Paul Lemoyne, Nathan Schlanger, vous êtes rentré dans la zone d'exclusion de Fukushima. Un beau slogan orne l'entrée de la ville fantôme de Futaba. Oui, c'est une grande banderole et il y a écrit en japonais « Grâce à l'énergie nucléaire, une vie meilleure ». Alors ça n'a pas été mis évidemment après, mais c'était mis avant parce que la société TEPCO achetait sa tranquillité grâce effectivement aux taxes professionnelles qui étaient versées aux villes alentours, comme ça se fait dans tous les pays du monde, France comprise. Donc c'est ce que proclamait fièrement cette banderole, et les habitants dont certains sont venus très ponctuellement pour quelques minutes ou quelques heures récupérer tous leurs biens ont néanmoins insisté, et en tout cas c'était le cas quand je l'ai visité il y a 3 ans, ont interdit qu'on retire la banderole en question qui exprime d'une manière tragiquement dérisoire là où effectivement une énergie nucléaire mal contrôlée a mené. Jean-Paul Demoult, vous avez pénétré la zone d'exclusion, dite la zone dont il est difficile de revenir en japonais ? Oui, c'est heureusement en français, on dit seulement zone rouge. Donc c'est une zone d'à peu près 20 km de diamètre autour de la centrale, pas strictement circulaire parce que ça tient compte de là où les vents ont poussé les radiations et la contamination. Donc c'est plutôt une espèce de traînée vers la ville de Fukushima qui elle-même se trouve à peu près à 70 km de la la centrale, donc, qui a été que faiblement atteint. Donc, il y a plusieurs zones, des zones où on a le droit de séjourner dans la journée, des zones qui sont contaminées, mais où on n'a pas le droit de consommer les fruits, par exemple, ni de brûler le bois, mais où on a le droit de vivre quand même. Et puis, une zone d'exclusion totale, où on peut pénétrer, mais uniquement dans une tenue appropriée, sans contrer la centrale, où là, les tenues de travail dans la centrale, c'est pas seulement les tenues que nous avions, mais c'est des espèces de scaphandres. Donc on a le droit d'y aller, mais pour quelques heures et pour des motifs sérieux, et encore pas tout le monde, puisque moi-même j'avais pu y pénétrer avec un sauf-conduit et avec des collègues archéologues, mais ils avaient interdit que ma femme et ma fille viennent, ce qui prouvait que l'avenir de l'humanité leur vie paraissait plus précieuse que la mienne. Nathan Schwanger, nous voici devant un drame humain, 20 000 morts. Le patrimoine est aussi un enjeu à ne pas sous-estimer, du moins pour les populations, notamment rurales et très enracinées. Absolument. Le patrimoine archéologique autour de Fukushima, donc, est un peu le sujet de notre article dans Antiquity, devient acquiert en importance à plusieurs titres. D'une part, il y a quelques 500 sites inventoriés dans la région, qui sont donc connus et répertoriés, qui désormais sont soit détruits par le tremblement de terre, tsunami, soit rendus inaccessibles par justement ces zones d'exclusion. À côté de ces sites, il y a d'autres lieux culturels importants, notamment, je signalerai, des archives, des bibliothèques, qui tombent en miettes, qui sont en train d'être détruits par l'incapacité, évidemment, de rentrer dans ces zones pour pouvoir maintenir un minimum d'électricité, de mesures pour lutter contre les pestes, contre les inondations, et ainsi de suite. Les musées eux-mêmes contiennent des objets qui sont contaminés et en train d'être désintégrés. Et donc a été lancée, à l'initiative du professeur Kikuchi et d'autres, une tentative d'exfiltrer ces objets patrimoniaux, ces objets culturels, pour les amener dans une zone où ils seront éventuellement en mesure d'être décontaminé. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous abordons l'archéologie des catastrophes au travers du cas de Fukushima avec Jean-Paul Demoule, professeur à l'Université de Paris 1, et Nathan Schlanger, professeur à l'École des Chartes. Il y aurait à faire des fouilles de restauration, la notion japonaise de Fukushosa. De quoi s'agit-il exactement, Nathan Schlanger? Eh ben, c'est la deuxième étape, si vous voulez. Donc, d'une part, le patrimoine connu a été détruit, mais évidemment, il y a tout un patrimoine archéologique qui est celui qui est rencontré dans le cadre de l'archéologie préventive, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et bien évidemment, la zone de Fukushima va faire l'objet, est en train de faire l'objet, de projets de reconstruction, de réaménagement à très grande échelle. On sait très bien que lorsque, dans l'espace ou dans la phase post-désastre, c'est la phase où va se faire la reconstruction et vont se faire le dommage le plus important au patrimoine culturel. Puisque c'est alors, on est dans l'urgence, on fait des critères différents d'évaluation, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on se permet, ce qui s'est passé par exemple, un exemple notoire, c'est Haïti, après le tremblement de terre de 2010, on est en train d'évacuer les vestiges du passé pour essayer de construire une nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'on veut réinvestir Fukushima, contrairement à Tchernobyl ? Voilà. Alors, une des différences importantes entre ces deux catastrophes majeures, Tchernobyl et Fukushima, c'est que Tchernobyl, pour des raisons économiques, démographiques et surtout géographiques, la zone a été laissée à l'abandon et elle ne fait pas l'objet de pressions démographiques. C'est tout le contraire au Japon, qui est un pays donc entre montagne et mer. La zone littorale est extrêmement sollicitée. Et donc, le choix a été fait d'emblée de reconquérir cette zone qui est quand même assez importante, puisque la zone maximale c'est de 2 400 km², la zone qui fait l'objet d'une décontamination fait 600 km². Donc sur ces 600 km², les décisions ont été prises de tolérer un certain seuil de radiation et au-delà de ce seuil de décontaminer la zone. Et là nous avons effectivement, je disais que Fukushima représente l'avenir, c'est vraiment une première où une zone d'une telle ampleur fait l'objet d'un processus de décontamination qui, malgré ce qu'on pouvait s'y attendre, et c'est un processus assez de technologie bas de gamme, puisqu'il s'agit de racler la terre, récolter les arbres, raser même, on rase l'écorce des arbres, pour accumuler dans des grands sacs de déchets tout cet élément à la fois organique et minéral qui s'accumule et qui constitue maintenant 50 millions de tonnes. Jean-Paul Dumoule, dans le cadre de cette reconstruction, l'archéologie préventive doit être aussi un enjeu dans cette préfecture de Fukushima ? Oui, bien sûr, parce que pour tout réaménager, dans la mesure où on ne peut plus pénétrer dans la zone interdite, il faut des routes de contournement, il faut dévier la voie de chemin de fer, il faut construire des digues un peu plus sérieuses que ce qu'il y avait avant. Donc il faut construire dans des endroits où il y a des sites archéologiques ou aller chercher des terres de remblai dans des endroits où qui sont susceptibles aussi de contenir des sites archéologiques. Donc ça a suscité toute une série massive de nouvelles fouilles préventives et une mobilisation spontanée des archéologues japonais venus de plusieurs régions du Japon pour réaliser ces fouilles préventives qui sont toujours en cours au fur et à mesure du réaménagement, sachant que il y a eu 150 000 personnes évacuées, dont une partie loge encore dans des baraquements provisoires et qu'il va bien falloir les loger de manière beaucoup plus stable. Que faire des biens et des objets de musée désormais radioactifs ? Les décontaminer ? D'ailleurs, est-ce possible ? C'est en partie possible, donc ça faisait partie, comme le disait Nathan Schlanger, du côté totalement expérimental de cette catastrophe, où de même qu'on essaie de décontaminer tant bien que mal les parties naturelles, on essaie de voir comment on peut décontaminer des objets, sauf à les laisser là jusqu'à ce que la radioactivité naturelle décroisse, enfin devienne tolérable, ce qui dans l'état actuel des connaissances est quand même de l'ordre de 15 000 ans. Avez-vous visité l'ancien musée de Fubata, désormais Futaba, oui. Futaba, un musée fantôme dans une ville fantôme? Oui, bien sûr, on l'a visité. C'était très poignant parce que c'est une petite, c'est pas une grande ville, mais c'est grâce notamment à l'argent de la centrale, il y avait de l'argent et donc il y a un musée tout à fait pédagogique et où on peut voir à la fois les effets du séisme, c'est-à-dire que toutes les étagères des bibliothèques, des centres de documentation et d'archives sont entièrement tordus et écroulés. Et puis, toute une série de maquettes pédagogiques, d'objets archéologiques qui viennent de cette zone. On a retrouvé aussi d'importantes grottes peintes qui datent d'à peu près 2000 ans et qui étaient maintenues dans une bonne atmosphère grâce à un système de climatisation qui, lui, évidemment, est tombé en panne. Donc, il y a des risques de dégradation très, très rapide de ces peintures, mais c'était un musée tout à fait intéressant et donc la seule solution viable, sauf à attendre 15 000 ans, c'est effectivement d'essayer d'évacuer les objets archéologiques les plus importants en tâchant de les décontaminer sérieusement. Nathan Schlanger, quoi qu'il en soit, il y a sûrement un problème de mémoire. Un musée des désastres serait en projet, un peu à l'image de celui d'Hiroshima ? Absolument. Un musée des catastrophes est prévu et conçu. Donc l'idée est portée par le professeur Kikuchi de l'université de Fukushima et évidemment d'autres collègues qui veulent transformer cet état de catastrophe en leçon et en lui donnant un rôle pédagogique plus important. Vous imaginez bien la frustration des populations japonaises locales qui ne peuvent pas nettoyer, remettre à propre leur environnement à cause de sa contamination. Jean-Paul Dumoule, Nathan Schlanger, merci. Je signale que vous avez publié avec Laurent Nespoulous un article sur Fukushima dans la revue Antiquity, que vous, Jean-Paul Dumoule, en avez signé un autre dans la revue Archaeologia du mois de juin. Enfin, Pierre-François Souhiri, que vous connaissez bien, vient de publier chez Gallimard « Moderne sans être occidentale, aux origines du Japon d'aujourd'hui ». Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Michel Berceau.